رحمه الله. مسجد الهدى في مدينة بيرغو في شرق فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أرحب بكم معاشر المسلمين والمسلمات الذين في مسجد الهدى في مدينة برغي شرق فرنسا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة. أنا من خواص أهلها في الدنيا، أرحب بكم، وأنا منتظر الآن أسئلتكم لأجيب حسب استطاعتي، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم أنتم ومن حضر معكم عبر الشبكة الإنترنت. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. معك أخ بلال إمام مسجد الهدى. أهلا وسهلا. السؤال الأول يتعلق في بالتأمين، فإخوة المسجد يسألون عن حكم أخذ تأمينات إضافية عن التي توجبها الحكومة فيما يتعلق بالمسجد. التأمين غير معروف عن فقهاء الإسلام فيما مضى، والذي يظهر لي أنه حديث، وهو قسمان: قسم اختياري، فهذا تجنبه أولى وأحوط وأسلم، والثاني اضطراري إلزامي توجبه الحكومات، فهذا لا بأس على من دفعه تلزم به. نعم، وترجم بارك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc notre noble chir, le savant Obed ibn Abdullah al-Jabri, hafzallah, en direct de Médine. Donc le salut et donc donne la bienvenue aux personnes qui sont donc dans cette mosquée à Villerue, ainsi que les gens qui écoutent à travers internet. Donc demande à Allah Azza wa Jal de faire partie donc des gens de la sunna, donc des gens qui sont spécifiques à la sunna. Et je répondrai donc avec toute la possibilité à vos questions. Donc bienvenue à vous. Avec le frère donc ici, l'imam du Masjid Al-Huda de Villerue, a donc questionné vis-à-vis donc de l'assurance, c'est-à-dire l'assurance complémentaire ou supplémentaire prise donc de la part de la mosquée Al-Huda. Donc Shir a répondu que l'assurance n'était pas connue chez les gens de la jurisprudence à l'époque avant. Et je me rends compte que c'est quelque chose de nouveau. Donc là, il dit que cette assurance donc, va être prise donc, de deux façons, c'est-à-dire, ou de deux parties, c'est-à-dire que il y a l'assurance dont on a choisi de prendre, donc il vaut mieux éviter cela, et cela est plus sain. Et le deuxième type d'assurance, c'est celle qui est obligatoire. Elle est obligatoire par l'État. Et dans ce cas, donc, il n'y a pas de problème de la prendre, car donc, on l'a prise par obligation des autorités. T'as pas de bâcher. هل يجب على لجنة المسجد إذا بلغ مال خزينته النصاب وحال عليه الحول أن يخرجوا زكاته. هذا المال عفوا شيخ لم نسمع يعني. للإبتاع للجنة المسجد الغرض منه خدمات المسجد، فهو ليس ملكا لأحد، هو ملك لهذا المسجد، ولا تنطبق عليه شروط الزكاة، فإذا ليس فيه زكاة. نعم، لأنه معرض للطوارئ، قد يمر الحول ولم يطرأ قطي فيتوفر معه، ثم بعد أيام قليلة يطرأ طارق آخر يوجب الإنفاق من هذا المال المدفوع للمسجد، فليس فيه زكاة. نعم شيخ عمار. طيب شيخ، donc la question est-il obligatoire pour les responsables de la mosquée donc de payer la zakat si les conditions de la zakat ont été requises, le fait que donc la somme requise a été donc dépassée et le temps a été écoulé? Donc Shir dit par la réponse que cet argent fait partie donc de l'argent qui sera donc dépensé ou qui va servir pour la mosquée, mais il ne fait pas partie donc de l'argent donc qui est à une personne en particulier. Donc dans ce cas il n'y a pas de zakat à payer pour l'argent qui appartient à la mosquée, car elle ne fait pas partie des conditions requises pour justement, c'est-à-dire que ça appartiendrait à une personne pour que la zakat soit payée. Nadj. هذا سؤال آخر يعني مقدمته طويلة شيئا ما. السؤال الثالث يا شيخ بلال كذا؟ نعم سؤال ثالث، لكنني أطلب الأسئلة يا شيخ بلال. نعم أطلب الأسئلة بارك الله فيك، أطلبوها نعم. هذا السؤال الثالث نعم شيخ، لكنه مقدمة يعني طويلة شيئا ما، فأرجو منكم يعني نعم. السؤال عن إمام أما المسلمين في مسجد خلال 25 سنة تقريبا في منطقة لم يعرف الإسلام فيها إلا من تعليمه ودعوته، عرف بسمته ولطافته مع الناس وخدمته لهم، وكان يعرف أيضا برقيته وحرصه على تخصيص الوقت لها، وفي الوقت ذاته كان يخبر من حوله أنه طلب العلم عند فلان من كبار العلماء، وأنه سافر إلى بعض البلدان ودرس فيها العلم ويحدثهم عن أمور كثيرة تكسبه الاحترام والتوقير من الناس. وبعد سنوات تبين أنه كان أثناء رقيته لبعض الشباب يلامسهم ملامسات لواطية ويطلب منهم الكشف عن عوراتهم بحجة أن ذلك يغيظ الجن ويغضبه فينصرف بذلك عنه، كما وجد أحد الشباب الذين كانوا يجالسونه بغرض تعلم كيفية الرقية شهد بأنه كان يطلب في بعض الأحيان من المريض اسم أمه، وكل هذه الأمور التي جمعت عنه جاءت من طرف عدد معتبر من الإخوة الذين لا يتعارفون بينهم، مما يجعل تواطؤهم على الكذب مستحيلا. وبعد أن جمعت كل هذه الأمور المشبوهة انكشف أمره أمام الناس، فلم يصبح له خيار إلا أن يترك المسجد. وبعد تركه للمسجد فتح الإخوة مكتبه فوجدوا فيه بعض الطلاسم وبعض الخرق الملطخة بدم الحيض، كما وجدوا كتابا في السحر يقال له أصول الحكمة للبوني. فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع. لحظة يا شيخ بلال. نعم أعد قبل قليل، قبل 3 أسطر تقريبا. نعم عندما انكشف أمره أم بعد؟ نعم انكشف أمره أمام الناس، فلم يصبح له خيار إلا أن يترك المسجد. وبعد تركه للمسجد فتح الإخوة مكتبه فوجدوا فيه بعض الطلاسم وبعض الخرق الملطخة بدم الحلب، كما وجدوا كتابا في السحر يقال له أصول الحكمة للبوني. فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. حول هذا الموضوع لدينا أسئلة نرجو منكم الإجابة عنها. أول هذه الأسئلة: كيف يكون تصرفنا تجاه هذا الشخص؟ وما حكم السؤال الثاني: ما حكم من يتخذ موقفا محايدا تجاه هذه القضية مع علمه بصحتها، وكيف يكون التصرف معه؟ السؤال الأخير: كيف نتصرف مع من يلازم هذا الشخص بعد معرفة هذه الحقائق كلها بحجة أنه علمه الدين وأنه كان سببا لهدايته؟ تفضل شيخ. أولا، هل هذه القصة حصلت في بلد إسلامي أم في بلد غير إسلامي؟ إذا ما دامت في بلد غير إسلامي نقول كفاكم الله شره، الحمد لله الذي كشف أمره قبل أن يفعل أمورا أكبر من هذه. هذه القصة خلاصة الجواب عن الأسئلة كلها، أن هذا ساحر كذاب دجال. فأبلغوا كل جهة تريد أن تعينه إماما عندهم، ولا يصلح إماما حتى يتوب إلى الله عز وجل ويعطي العهد والميثاق بشهود أنه لن يعود إلى هذه الأفعال وتكتب في الوثيقة. والأولى عدم تعيينه إماما أو مسؤولا في مسجد من المساجد. Donc la question était longue, donc je vais juste donner les points essentiels de la question en langue française. C'est-à-dire qu'il y avait un imam donc qui restait imam 25 ans. Et il a été aimé des gens. Donc il a été aimé des gens par sa gentillesse et tout ce qu'il a fait comme acte afin d'être aimé par les gens. Il a enseigné les gens donc la langue arabe ou peut-être le Coran ou certains points. Et vous connaissez donc ici le cas. Et donc bien sûr, il se retrouvait donc à faire ruqya. Et dans cette ruqya, donc on sait qu'il a commencé donc à toucher des gens. Il a touché des gens et simulé donc des actes afin de faire croire que le djinn serait jaloux donc de la personne et la khiri afin de le faire rêver ou quoi que ce soit. Et bien sûr donc beaucoup de témoins, même des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, ont donné donc les mêmes témoignages, ce qui prouve donc la véracité donc des faits. Et on a retrouvé aussi donc chez lui des talismans, un livre sur ça, la sorcellerie et autres. Et parmi donc les façons de faire l'antia, c'est qu'il demande le nom, le prénom de la mère, tout en sachant que c'est le sahel qui demande le prénom de la mère, c'est le shaitan qui demande cela. Donc la question est comment faire avec, c'est comment agir avec, et comment agir aussi avec celui qui continue à l'aimer, et surtout celui qui reste avec, en prenant comme en prétextant le fait que ce shir, c'est-à-dire cette personne-là, ce sorcier plutôt, l'a donc enseigné l'arabe, ou l'a enseigné donc a été la cause de sa guidée dans l'islam. Donc la réponse de shir est donc succincte. Il dit qu'Allah donc vous éloigne d'abord de son mal, donc c'est une doua. Et il dit aussi alhamdulillah qu'il a été donc remarqué, les gens l'ont su, donc il s'est fait donc remarquer pour cela. Mais tout simplement, c'est un sorcier, c'est un menteur, c'est un djinn. Et il ne peut pas être imam et sorcier en même temps. Il ne peut pas être imam dans ce cas. Donc, sauf si donc son cas lui, son cas ici, ça serait qu'il fasse taouba, ça serait qu'il se repentisse auprès d'Allah Azza wa Jal, donc avec des témoins sûrs, afin qu'il ne recommence pas donc ce qu'il a fait. Donc voilà ce que Shir a dit donc de façon succincte. Barakallahu fik. يعني يغتر به بعض الشباب وربما بعض العوام خاصة فيعني لا زال يعمل يعني مع الناس ويقيم الزيجات وحتى أنه يصلي على الموتى ويدعى في الحفلات وكذا، لكن بصفة أقل من التي كانت قبلها عندما كان إماما. هذا المسجد الذي طرد منه يجب عليه أن يبين للناس، وكلما أراد أن يعين في مسجد يجب عليكم أعني الذين عرفتم قصته أن تحذروهم منه، قبلوا أو لم يقبلوا. وأما الذين يدافعون عنه فأبينوا لهم وأطلعوهم على ما، وأما الذي وقف محايدا مع علمه فهذا يترك. ولو هذه القصة لا أرى أن تجعلوها محل خلاف بينكم. نعم تفضل شيخ عمار. طيب شيخ، donc cette mosquée donc qui a connu donc ces événements là du fait qu'elle est au courant de cela donc doit prévenir donc les gens. C'est une obligation de prévenir les gens contre lui. Il faut que vous racontiez et préveniez donc de ce qu'il fait. Et surtout donc si bien sûr donc il se retrouve à donc dans certains endroits pour devenir imam ou quoi que ce soit. Donc il faut que vous expliquiez cela aux gens. Et en ce qui concerne ceux qui le défendent, donc vous allez leur montrer le mal de cette personne-là. Et s'il persiste, délaissez-les. Car cette personne ne doit pas faire partie donc des sujets à divergence. Vous expliquez, ils acceptent pas, vous les délaissez. Jazakallah khair. نعم، بقيت أسئلة أخرى متعلقة بالفقه. فالسؤال الرابع شيخ، هل يجوز جمع زكاة الفطر قبل صلاة العيد من طرف جماعة المسجد وتوزيعها على الفقراء بعد صلاة العيد؟ لا مانع، لا هو يعني من جمع صدقة الفطر فيجب عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد إلا لعذر مسوغ، ومن تلكم الأعذار تأخر الناس في دفع الزكاة، ومنها أن يكون دافع الزكاة في مكان بعيد لا يستطيع الوصول إلى المصلى أو إلى جماعة المسجد قبل صلاة العيد بوقت كافي. وليترجم صاحبنا وتلميذنا أبو عبد الرحمن الشيخ عمار. جزاك الله خير شيخ. Donc la question est, est-il permis donc pour les gens de la mosquée ou autre donc de donner donc la zakat al fitr avant la prière, c'est dans la mosquée, afin que la mosquée la distribue après la prière donc du Eid. Donc je réponds que la zakat al fitr doit être donnée donc avant la prière du Eid, sauf par excuse, comme le fait maintenant de la redistribuer dans un endroit qui serait donc lointain, dans un endroit qui serait lointain, et il n'y a pas assez de temps pour pouvoir en vérité donc envoyer ou le faire arriver donc cette zakat al fitr donc au lieu où ça doit aller. سؤال خامس شيخ يتعلق بزكاة الدواجن وذبح الدواجن. يعني سأل يقول ما حكم كهربة الدواجن قبل ذبحها، علما أنه ثبت من طرف بعض الخبراء أن ثلث الدواجن المكهربة تموت قبل الذبح، وهل يجوز استهلاك لحومها إذا وجد من التجار من يبيع لحوم الدواجن المذكات دون كهربة؟ أقول هذه موقوذة فلا يحل أكلها ولا بيعها. نعم، فإذا عرفتم مصنعا معينا أو مؤسسة معينة تذبح بهذه الطريقة فلا تتعامل معه، فلا تشتروا منه اللحوم. وأما إذا لم تعلموا شاع في بلد ما أنهم يذبحون بطريق الوقد وهو الصعق الكهربي الكهربائي. ونعم، فهنا لا يترك اللحم من أجل هذه الإشاعة، ولأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى الحل، هذا بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة، بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. إلا إذا عرفتم مصنعا معينا ووجدتم الإشارة التي تدلكم على أن هذا المصنع يذبح بالصعق أو الخنق، نعم، أو غير ذلك من الطرق المخالفة للإسلام، فإذا عرفتموها فدعوها وترجم، بارك الله فيك. فقط دقيقة شيخ، لأنه ربما محتاج إلى توضيح، لأنه فقط الكهرباء التي تستعمل يعني في الدواجن ليست يعني هي الطريقة لقتلها، بل هي فقط تستعمل قبل ذبح الدواجن لإسكانها كي لا يعني تتخبط عند الذبح. فالخبراء يقولون أن بهذه الطريقة ثلث المنتوج يعني يقتل أو بالصعقة الكهربائية قبل أن يمرر الذابح السكينة على الدجاج. المهم أنها موقوذة، ما دامت هي تموت بهذا الطريق هي موقوذة. نعم. فالسنة سنة أبدا، لا تقبلوا إلا ما صحت به سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهي التذكية. حتى اليهود والنصارى يذكون، لكن إذا عرفنا أن فئة منهم لا يذكون أو يعني مصنعا أو مؤسسة، فنحن لا نأكل ذبائحهم ما دمنا عرفناها يقينا. نعم. Donc la question est, donc peut-on, donc ici donc dans une entreprise, donc certains qui travaillent, certains qui ont donc connaissance de ce domaine, disent que le tiers des poulets donc qui sont donc qui reçoivent la décharge électrique meurent avant que le couteau hein, ou la lame passe donc sur la gorge donc de ce poulet, afin qu'il soit égorgé. Donc peut-on ici donc manger de ce poulet, donc si on sait cela, donc je réponds que si donc le poulet est mort avant qu'il soit égorgé et qu'on a la preuve ou la certitude qu'une entreprise donc vend des poulets qui ont été morts avant d'être égorgés, à ce moment-là on ne va pas donc commercer avec, on ne va pas acheter chez eux, tout en sachant que la règle, et il y a consensus chez les savants pour dire que la viande égorgée, même si elle provient des juifs et des chrétiens, elle est licite. Il est permis de manger donc la viande égorgée de chez les juifs et de chez les chrétiens. Donc bien sûr, donc Chir ici dit bien que la sunna, c'est elle qu'il faut, donc c'est-à-dire le fait d'égorger, voilà. Et aussi, si réellement on a preuve que le poulet, donc il a été donc électrocuté, sa décharge, donc l'a tué avant, donc on a preuve que cela se fait dans certaines entreprises, à ce moment-là, on ne va pas donc travailler avec ces entreprises-là. Barakallah Hafik. Bilal. أنت قلت هل قلت لا تموت أو قلت تموت قبل مرار السكين؟ لا، ثلث المنتوج يموت قبل يعني مرار السكين، وهذا يعني رأي الخبراء في الصناعة يعني في عرف إذن الحكم كما هو، يعني الجواب لا يتغير، هي تعد في الموقوذات. إذن أطرح السؤال. نعم، أطرح السؤال. السادس، يتعلق بامرأة أفطرت للحيض عدة سنوات خلال شهر رمضان ولم تقضي لجهلها بالحكم، كيف يكون قضاؤها لتلك الأيام علما أنها يعني نسيت عدد تلك الأيام؟ حال كثير من بناتنا المسلمات الكسل والتهاون في القضاء، هي عازمة على القضاء لكنها تتباطى حتى يكثر عليها أو تنساه، وهذا خطأ. فالواجب على المسلمة إذا أفطرت بحيض أو نفاس في رمضان أو سفر أو مرض المبادرة إلى القضاء قدر الإمكان. فمن أفطر لعذر في رمضان رجل أو امرأة وجب عليه المسارعة قدر الإمكان، وإن كان به مرض لا يمكنه من قضاء ما أفطره دفعة واحدة فليفرقه ويتحرى الأوقات التي يسهل عليه الصيام فيها. المهم أن يجتهد في المبادرة إلى القضاء أبرأ لذمته وأحوط لدينه. وما دام حال هذه الأخت التي شرحت حالها كما في السؤال، وصيتي لها أن تتحرى، فإذا كانت مترددة بين 30 يوما وأربعين يوما فلتأخذ الأكثر هنا 40 يوما وتقضيها يعني حسب قدرتها ومكنتها. وأوصيها وجميع من يستمع إلي من بناتنا ألا يؤخرن القضاء إلا لعذر لا تستطيع دفعه كمرض. نعم، وليترجم أبو عبد الرحمن. Donc la question ici, donc, est qu'une femme, une sœur, donc, doit donc rattraper des jours ou c'est-à-dire de jeûne du mois du Ramadan au moment où elle avait donc ses menstrues, et cela depuis plusieurs années, et elle n'a pas rattrapé donc ces jours-là. Donc Shira dit que cela arrive donc souvent chez les sœurs. Elle veut sûrement donc elle, d'après ce que l'on voit, rattraper, mais avec le temps qui a été écoulé, donc il y a eu trop de jours. Et voire même elle a dû oublier avec le temps qui est écoulé, elle oublie le nombre de jours. Donc si elle rompt le jeûne par excuse, pour une excuse valable, elle doit le rattraper, quoi qu'il en soit. Et il faut s'empresser de rattraper donc le jeûne qui donc a été manquant. Sauf si bien sûr la personne est malade, donc une maladie qui serait incurable ou longue. Donc il faut s'empresser de rattraper les jours de jeûne manquant. Et cela est meilleur. Donc cela est meilleur pour protéger sa religion. Donc cette sœur, si par exemple, elle doit donc essayer de se souvenir donc approximativement du nombre de jours qu'elle doit donc rattraper pour jeûner. Et si elle ne sait plus ce serait un chiffre par exemple comme 30 ou 40 jours, donc par sécurité elle va prendre les 40 jours afin d'être protégée. C'est pour ça que Shir conseille à toutes nos sœurs qui écoutent donc sa parole, Hafzallah, c'est de rattraper donc les jours le plus rapidement possible, soit bien sûr par excuse qui serait la maladie. رجل اشترى بناية في داخلها حانة تباع فيها المشروبات والخمور. هو يسأل هل ينتظر السؤال شيخ بلال؟ أعيد السؤال بارك الله فيك. رجل اشترى بناية أو عمارة في داخلها محل أو حانة تباع فيها المشروبات والخمور، فهل ينتظر نهاية مدة عقد الكراء ليخرج يعني هذا البائع للخمور، أم يجب عليه إخراجه فورا علما أن ذلك يتعذر عليه قانونيا؟ أقول الأصل هو وجوب إخراجه، لأن هذا المكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى ببيع الخمور. لكن إذا كان هذا يتعذر عليه ولا يستطيعه فننصحه أن يحاول مع المستأجر أو المالك بدفع شيء من المال يغريه به حتى يخرج، فإن تعذر ذلك تركه ولا شيء عليه. لكن الظاهر أنه إذا تأدى السكان من زيارة الفسقة والكفار لهذا المحل فالظاهر أن السلطة تمنع الضرر. فالخلاصة أولا أنه يخرجه، ثانيا إذا لم يستطع دفع له مالا يغريه به حتى يخرج، وثالثا إذا لم يمكن هذا ينظر إذا كان السكان يتضررون ويشتكون يرفع للأمن عندكم أو الجهة المختصة. فالظاهر أنهم يخرجونه أو يحدون من شره بأن تحدد له ساعات معينة، فإذا انتهى العقد لا يحل له تجديده. Donc la question est, une personne a acheté donc un immeuble, et donc en bas de cet immeuble il y a donc un endroit, un magasin ou autre, donc où il y vend, la personne vend de l'alcool. Donc la personne était déjà là auparavant. Donc doit-il attendre, doit-il attendre que le contrat soit terminé afin de le sortir, ou doit-il le sortir de cet endroit directement? Donc, le premier lieu, la première chose, c'est de le sortir d'abord de cet endroit, car cet endroit est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Mais s'il ne peut pas, à cause du contrat, donc il trouve une solution, c'est par exemple de le payer, de lui donner quelque chose, une compensation, afin qu'il sorte, car il y vend donc de l'alcool, s'il y arrive. Et s'il ne peut pas, donc qu'il le laisse comme ça jusqu'à ce que le contrat donc soit terminé. Les gens qui y viennent donc sont sûrement donc des gens qui sont mauvais ou quoi pour acheter. Donc je sais pas, peut-être un café ou quoi. Donc il dit qu'à ce moment-là, si c'est un endroit qui pose des problèmes, c'est en vérité d'arriver donc à porter plainte ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que Chirici donne les trois solutions. C'est d'abord donc de le sortir s'il peut. Sinon, s'il ne peut pas, c'est de lui donner une compensation afin qu'il sorte de cela. Et la troisième, c'est s'il faut, donc qu'il y aurait donc des plaintes contre lui par raison où ce serait permis donc de se plaindre contre lui pour certaines raisons de sécurité. En ce moment-là, il faut le faire afin qu'il n'y reste pas. سأل يقول ما حكم احتفاظ الزوجة بالإعانة المالية التي تعطيها الحكومة للزوجين، علما أن حساب هذه الإعانة يتعلق بالمدخول المالي الذي يتلقاه. أعد السؤال شيخ بلال، أعد السؤال. نعم، السائل يسأل عن حكم احتفاظ الزوجة بالإعانة المالية، بالإعانة المالية التي تعطيها الحكومة للزوجين، علما أن حساب هذه الإعانة يتعلق بالمدخول المالي الذي يتلقاه الزوجان معا. لكل واحد منهما نصيبه، يجب عليهما أن يقتسما هذه الإعانة. ف لا يحيى، فإذا كانت الإعانة تنزل في حساب المرأة فيجب عليها أن تأخذ نصيبة وتعطي الرجل نصيبة، وإذا كانت في حسابه هو أعطاها نصيبها واحتفظ بنصيبه، بقي إذا وثق أحدهما من الآخر وفوضه أنه يأخذ الإعانة ويصرفها في مصاريف البيت وما يحتاجانه فهذا لا بأس به، لكن عند المنازعة كل يأخذ نصيبه فورا، ولا يحل لأحدهما أن يحتفظ بالإعانة كلها. نعم. La question est une femme donc, qui garde donc, pour elle donc, dans son compte l'argent qui est donné, donc c'est des aides de l'État. Et cette aide de l'État est pour elle et son mari. Donc Chir répond que chacun aura droit à sa part. Le fait que l'argent est venu pour les deux personnes, donc chacun aura droit à sa part. Ils doivent donc directement partager cela. Il est interdit qu'elle garde tout pour elle et qu'elle ne donne pas sa part donc, à son mari. Si c'est dans son compte à elle, elle lui donne sa part à son mari. Et si c'est le contraire, de la même chose. Sauf si, bien sûr, ils ont décidé que cet argent soit dépensé, c'est-à-dire pour les deux, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y ait un commun accord. Et si les deux se disputent pour cet argent, que chacun donc, garde donc, sa part. نعم. شيخ بلال أعد السؤال التاسع. هذه السائلة تقول أن والديها لم يذبحا عقيقة عليها، فهل يجوز لها أو يستحق؟ لم يذبحا عقيقة لها. نعم. أو عنها. عنها نعم. عنها نعم. عفوا. نعم. فهل يستحب لها أن تذبح عن نفسها؟ أقول العقيقة هي من واجبات الأب لولده، نقول من واجبات الولد على أبيه سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، فإذا تيقن من بلغ الرشد من الأبناء والبنات أن أباءهم لم يذبحوا عنهم العقائق وهم قادرون وجبت عليهم هم أنفسهم، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، وتفضل يا أبا عبد الرحمن. Donc la question est donc mes parents n'ont pas fait donc de sacrifice à ma naissance. Dois-je le faire moi-même? La réponse est que la aqiqa est un droit de l'enfant, un droit de l'enfant obligatoire envers ses parents. Que l'enfant soit donc un garçon ou une fille. Et si la personne a atteint l'âge de la puberté, que la personne est sûre, donc a la certitude que ses parents n'ont pas égorgé pour elle, elle doit donc, cette personne-là, obligatoirement donc, le faire. Obligatoirement donc le faire. Et la mention du hadith qui dit que chaque mouloud donc est attaché donc avec le nain, avec sa aqiqa. Donc chaque mouloud, chaque né est attaché avec sa aqiqa pour montrer donc le caractère obligatoire. T'as pas de danger. السؤال العاشر يتعلق بالزكاة. سائل يقول هل يمكن إخراج الزكاة قبل أن يتم الحول مع غلبة ظنه بأنه لن يصرف ذلك المال قبل إتمام الحول؟ هذا يسمى تعجيل الزكاة، فتعجيل الزكاة لمصلحة جائز. مثال ذلكم أن يكون عنده فقراء ويخشى أن يغادروا أو يتوقع أشغالا ينشغل عن إخراج الزكاة في وقتها وهو الحول، كان يتوقع سفرا لا يعود إلا بعد تمام الحول بوقت طويل، ولا يوجد من يثق به يوكل. والخلاصة أنه يجوز تأجيل الزكاة لمصلحة، نعم، أما تأخيرها مع القدرة على إخراجها فهذا هو الممنوع. وتفضل يا شيخ عمار. طيب، donc la question est, donc est-ce qu'il est permis donc de donner de la zakat avant son délai, avant que donc son délai donc prévu sur le haul, l'année. Donc Shir dit que cela on appelle donc ta'ajjul zakat, c'est-à-dire le fait de s'empresser à payer la zakat. S'il y a donc un bénéfice en cela, s'il y a une maslaha, donc cela sera permis. Et il donne un exemple. Il y aurait en ce moment-là donc des pauvres, et la personne aurait peur que ces pauvres partent, quitte l'endroit, et qu'après donc au moment où il faut payer la zakat, il ne retrouve pas ces pauvres là, ou qu'il soit occupé et qu'il ait peur de par son occupation il ne pourrait payer en temps et en heure, alors il préfère la payer en avance. Le fait, alors il donne un exemple par le fait de partir quelque part et de revenir tardivement, donc après le temps c'est-à-dire légiféré pour payer, et que personne ne pourrait payer la zakat donc à sa place en ce moment là donc cela est permis. Mais si tu veux donc payer la zakat sans raison valable, à ce moment-là, donc ce n'est pas permis. أحسن الله عليكم. السائل يقول هل يجوز أن أتبرع بالدم أو ببعض أعضائي؟ هذا السؤال يتضمن شيئين، أحدهما التبرع بالدم، فهذا جائز حينما تنطبق الشروط المعتبرة طبيا. وأما الثاني فهو التبرع ببعض الأعضاء، فهذا التحقيق عدم جوازه، لأنه لا يملك هذا العضو حتى يتبرع به. ومن شروط التبرع أن يكون المتبرع به مملوكا لمن يتبرع، فلا يجوز للمسلم أن يتبرع بأعضائه أو ببعض أعضائه. هذا هو التحقيق، نعم. ويترجم أبو عبد الرحمن. أسف شيخ، يعني توضيح فقط، هل الأمر يعني فيما يخص تبرع الدم ينطبق كذلك على من يقطن في بلد الكفر، أم يعني الحكم نفسه لا يتغير؟ إذا كان البلد كله كفارا وليس فيه مسلم فلا يتبرع. أما إن كان البلد خليطا فيه مسلمون وكفار فليتبرع ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لا سيما لأنه يعني يظن أن يكتب تبرع فقط مسلم، وإن لم يتبرع وترك هذا فلا بأس عليه، إلا إذا ألزم إلزاما فإنه يتبرع. نعم، تفضل شيخ عمار. طيب شيخ، donc la question est, puis-je faire donc le don de mon sang ou de certains de mes membres? Donc j'ai dit que la question a été donc divisée en deux ici. Il y a donc deux points dans cette question. Le premier point donc a trait au don du sang. Il est permis Et il a donné comme condition le fait que dans ce pays, même si nous ne sommes pas un pays musulman, il y a donc des musulmans qui y vivent. C'est un mélange entre des musulmans et des non-musulmans, avec les conditions médicales requises. Et le deuxième point, c'est le don d'organes. Après avoir donc recherché dans le sujet, donc il est arrivé à Achir de dire, donc, c'est-à-dire la conclusion du hukm de cela, c'est que la personne ne possède pas son corps. La personne n'est pas en vertu que là, ne possède pas son corps. Et le don donc doit être le donneur pour qu'il puisse donner quelque chose et pour qu'il possède donc cette chose-là. C'est parmi les conditions de donner quelque chose, c'est que tu possèdes cette chose-là. Donc la personne ne peut pas donner, et le musulman donc ne peut pas donner donc le don d'organes. Donc cela bien sûr revient après donc ce que Shir a, après avoir recherché, donc il arrive à cette conclusion-là. عن رجل كافر يرغب في دخول الإسلام ولكنه متردد ويقول كيف أعرف أنني مؤمن فكيف يجاب عنه في هذه الحالة؟ الأمر بسيط، إذا شهد عندكم الشهادتين وعرف معناهما فبشروه أنه مؤمن، ثم علموه الصلاة الوضوء والصلاة لأنه مؤمن، واذكروا له الفضائل وهكذا. نعم. Donc la question est, donc un mécréant hésitant à se convertir à l'islam m'a demandé comment savoir que je crois. Donc que puis-je donc lui répondre? Donc j'ai dit que la question est simple. S'il atteste, donc avec les deux attestations de foi, et qu'il connaît son sens, annoncez-lui donc qu'il est croyant. Puis après cela, donc annoncez-lui, ou plutôt enseignez-lui, donc les piliers d'islam, comme la prière, la zakat et autres, et ainsi de suite. Donc annoncez-lui cela. السؤال الثالث عشر سأل يقول ماذا نقول بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ماذا؟ ما الذكر المستحب يعني بين الخطبتين إمام في الجمعة؟ لا أعلم حتى هذه الساعة ذكرا منصوصا عليه، لكن لو استغفر أو هلل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. Donc la question est. Pardon, cher Ahmad. Salut, cher. Donc la question est donc que dois-je dire entre les deux crèches du jour du vendredi? Donc cher dit, je ne connais pas jusqu'à cette heure de rappel spécifique donc en ce moment bien précis. Mais si. Donc il fait le ta'liq, c'est-à-dire le fait de dire Allah Akbar, ou bien Allah plutôt, et l'istighfar, et qu'il demande donc pardon à Allah, donc cela, donc la baisse des ailes. Il n'y a pas de problème en cela. أنتم أعرف بهذا. معكم شيخ عفوا يعني قطع الخط انا عم شيخ الطريق التي ارسلت في دفن الموتى. نعم الشيخ لم نسمع الجواب عفوا. أقول أنتم يا أهل البلد أعرف بالطريق التي تسلك في دفن الموتى فعرفوها، وإن كانت هناك أشياء تخالف فبينوا لها وجه مخالفتها للسنة. نعم واضح يا شيخ بلال؟ نعم واضح شيخ جزاكم الله خير. واضح يا شيخ عمار. طيب donc la question est quand une sœur reconvertie demande comment faire pour l'enterrement lorsqu'elle vit dans un pays donc de Kouf. Et Chir répond que vous dans ce pays êtes mieux au courant que moi de la façon dont les gens sont enterrés. Et donc et s'il y a des choses qui donc sont pas claires, qui ne sont pas claires pour cette personne, donc expliquez-lui ces choses-là. استنظر عليكم شيخ. السؤال 15 يقول هل تجوز الرقية لمن لا يصلي؟ أعيد السؤال مرة أخرى. هل يجوز أن نرقي من لا يصلي؟ يعني السؤال من صاحب الرقية الراقي. نعم. هل يقصد الراقي أو المرقي؟ هو يسأل عن المرقي، إذا كان لا يصلي هل يجوز لنا أن يعني نرقيه؟ الذي لا يصلي كافر، فإذا بلغته النصيحة وفهم وجوب الصلاة ولم يصلي فهو كافر فلا يرقى. لكن إذا غلب على ظن الراقي أن هذا جاهل وأنه لا يعني ما بلغته النصيحة فلينصحه ينصح ويبين له وجوب الصلاة ويأخذ عليه العهد أنه يصلي ثم يرقي. فإن عاد إلى ترك الصلاة وجاء يطلب الرقية فلا يرقى. نعم تفضل يا أبا عبد الرحمن. طيب دونك لا كيستيون اي est-il permis de faire ou de pratiquer la ruqya sur celui qui ne prie pas? Donc Chir dit que donc celui qui ne prie pas, elle marque ici, c'est donc un mécréant car il ne prie pas. Donc il ne faut pas lui faire donc la ruqya. Mais si le conseil ne lui a pas été parvenu par le fait qu'il sache que la prière est obligatoire, donc on va lui enseigner cette chose-là. Et aussi on va donc faire une sorte de pacte avec lui afin qu'il prie. Et à ce moment-là, s'il commence à prier, à ce moment-là, il est permis donc de faire, de pratiquer sur lui la ruqya. Assalamu alaikum, Cheikh. Le sujet 16. Il est demandé sur la manière de demander. Quel sujet 16? Le 16. D'accord. Oui. Sur la manière de demander la science à la femme. C'est-à-dire, comment demander la science? المرأة ليس عندها من القدرة مثل ما عند الرجل، فممن الله عليها برجل عنده علم فأنصحها أن تستغني به. وإن كان الرجل الذي تزوجها ليس عنده علم وقدر على أن يجلب لها كتبا أو أشرطة وهي تستطيع الإفادة منها، كذلك يكفيها. وإن لم يحصل شيء من هذين وقدرت على أن تذهب إلى تجمع أخواتها في مسجد أو في بيت إحداهن فهذا حسن. واليوم ولله الحمد تيسرت سبل العلم أكثر، فنحن مثلا في المدينة دروسنا تصل إلى إليكم وإلى أمريكا وإلى الهند وإلى إفريقيا وغير ذلك، فتنصح بمتابعة دروس المشائخ الذين تثق من دينهم وأمانتهم. نعم. Donc la question est comment donc la femme doit rechercher la science religieuse. Donc je dis la femme donc n'aura pas la capacité de faire ce que l'homme va faire vis-à-vis de ce domaine. Et si la femme peut se marier à un mari donc qui a de la connaissance, un talib ilm, donc cela lui suffira, elle profitera de ce que son mari va lui enseigner. Et si son mari n'a pas forcément donc une connaissance religieuse, en ce moment-là, qui lui apporte, donc il lui amène donc les livres et ce qu'il faut, c'est-à-dire pour qu'elle puisse connaître donc la religion. Et Chir dit donc ici, donc chez nous ici à Médine, nos cours vous arrivent, que ce soit à vous ici, aux États-Unis, en Inde, en Afrique ou autre. Donc je conseille donc à cette sœur ou ses sœurs de prendre la science des personnes qui sont connues, des savants qui sont connus et reconnus. هل يجوز أن يرث المسلم من الأبوين الكافرين؟ لا توارث بين المسلمين والكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن إذا أوصى الأب الكافر أو الأم الكافرة لأولادهم المسلمين بوصية فهي نافلة. نعم. تفضل شيخ عمر. Permis donc d'hériter de ses parents qui ne sont pas musulmans. Donc Cheikh il dit qu'il n'y a pas d'héritage entre le musulman et le non-musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman n'hérite pas du musulman. Mais si le parent donc fait un legs, s'il y a donc ici un legs pour son enfant qui est musulman, en ce cas-là, dans ce cas-là, donc parce que ce n'est pas un héritage, c'est permis. الاستعاذة سنة مؤكدة، فإن شاء بدأ بعد تكبيرة الإحرام فيبدأ بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح ثم الاستعادة، ويبدأ القراءة بالبسملة. والبسملة الذي يظهر لي أنها واجبة وتكون سرا في الغالب، لأن هذا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل شيخ عمار. Donc, est-ce que al-si'ada, le fait de dire donc a'udhu billahi min shaitan rajim, ou al-basmala, le fait de dire bismillah après être entré à la prière, c'est-à-dire après avoir dit Allahu Akbar, sont donc des obligations? Donc Shir a répondu, Habdallah, que al-si'ada est donc une sunna qui est appuyée, sunna muakkada. Sylvain l'a dit après donc avoir prononcé l'invocation de l'entrée en prière, puis après dit donc prononce la basmala, qui est donc à mon avis une obligation. Et le basmala, donc Shir voit que c'est une obligation, et de le dire ici donc en voix basse comme il a été authentifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لحظة يا شيخ بلال. نعم. لحظة. استأذنكم أنت والشيخ عمار وجميع من حضر من أبنائنا وبناتنا، لأن العشاء لأن وقت العشاء قد دخل عندنا، ولدي بعد العشاء يعني أمر آخر أنشغل به، فالآن نكتفي بهذا القدر معكم من الحديث، ولا مانع لدي إذا أردتم اللقاء في وقت آخر فليتصل بي الشيخ عمار ثم حتى يتحدد موعد اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى. الآن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, c'est excusé parce que c'est l'heure du Isha et j'ai eu Adhan donc à Médine. Et si c'est possible de refaire donc ce genre de rencontre, Inch'Allah, donc le Shir donc n'est pas contre le fait de refaire ce genre de rencontre. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يعني نشكر